Bonsoir à tous, c'est Lucky sur Fudget. Je vous souhaite la bienvenue sur Blackout. Je vous propose de commencer tranquillement cette émission avec un petit Sirius Mo. Écoutez Fudget sur 94.2. Remix de Sam Tiba, membre du groupe Club Cheval. I'm gonna On va taper un peu sec là. Jet, c'est plus qu'une radio. Bird. sur Kin, de la bombe cette track, bien fraîche. Écoutez Fadjet en Lorraine sur 94.2 et partout en Europe sur le net, www.fadjet.net. Destructo, plus besoin de le présenter. Vous écoutez Fadjet en FM sur 94.2 et sur internet www.fadjet.net. We have the technology. Rhythm Sticks de Soundtest. Fadjet sur internet, www.fadjet.net. Thank you. À ma grande surprise, j'ai réussi à remettre la main sur ce Electrohead qui date de 2008. Écoutez Fadjet en FM sur 94.2 et sur internet www.fadjet.net. Grosse surprise, pareil, une retrouvaille du fin fond du grenier, un bon Costello de l'époque, je crois que c'était 2009. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Petite dédicace pour Katia, du boum boum comme elle dirait. Écoutez Fadjet en Lorraine sur 94.2 et partout en Europe sur le net, www.fadjet.net. Wow. Yeah. Présente un caribou bien sympathique. Franchement, plus psyché que ça, tu peux pas. C'est Sylvain Duris, le Chris Cosmique. Mon nom complet, c'est Sylvain Pierre Duris. Mon nom d'âme, c'est Organa. Et je suis relié à l'énergie de l'homme de la magie. À l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes. Donc j'ai été abducté, en fait, par un vaisseau, un des vaisseaux de la Vierge Marie. Et à partir de là, ben, j'ai eu des expériences paranormales du type où je rêvais des informations à l'avance qui allaient se produire dans ces organas. Je vais vous interpréter un petit air de flûte pour terminer. C'est tout simplement une hallucination collective. Hallucination collective. cette nuit d'ailleurs, pas plus tard que cette nuit, j'ai fait un rêve où je volais, j'étais à nouveau en train de voler dans certaines dimensions espace-temps, donc oui, sûrement que le 21, je serai en train de jouer de la flûte et en train de chanter au chêne vert à Sougrail, mais je serai aussi sûrement soit au sommet du Bugarach, soit dans le Bugarach même, je sais pas où je serai exactement, mais Bugarach même, Bugarach même, Bugarach même, Bugarach même, Bugarach même, Bugarach même, Bugarach même, Bugarach même. Ton verre, je m'aime. C'est tout simplement. Une hallucination collective. Bonne journée à vous tous. Je dédie ce morceau à ma petite pomme de terre. Mes chers compatriotes. Be proud of you because you can be do what we want to do. You can be do. Moi, président de la République, un président qui d'abord respecte les Français. Je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Il y avait un cas de la consommation. D'ores et déjà, ce que ça peut. You can be do. Moi, président de la République, qui d'abord respecte les Français. Je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Be you, be proud of you because you can be do what we want to do.